confrontation in some stupid little town. A black killer. Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 124e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, la tribu, c'est la Vampire Freaks, c'est la 124e, et je suis très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine au programme du nouveau, beaucoup de nouveautés, du culte, du classique, du ska, enfin plein de choses. On commencera tout de suite avec Mr. Lover de Tankar, c'est sur l'album Disco Destroyer, leur 8e album sorti en 1998. On retrouve Serial Killer, Queen of Heart et Away. On écoutera ensuite Leave Me de Slaker, c'est sur l'album Self Medication, sorti en 2008. On retrouve Don't You Want a Man, Don't Forget the Streets et Don't Have To. On écoutera encore avec un bon grand classique, Driven de Rush. C'est sur l'album Test for Echo, leur 16e album, sorti le 10 septembre 1996. On retrouve Half the World, Dog Years et Resist, un classique de ces classiques. On écoutera une nouveauté ensuite, Storm Now de Seymo, c'est sur son premier EP, Pop Tier, sorti en 2018. On retrouve Never Down, Travel Alone et Pride. On le retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live, avec Trigger Full Promise, The Walls of Jericho. C'est sur l'album With Devils Amongst Us All, sorti le 22 août 2006. On retrouve I Know Hollywood and You Want It, End Up To Die et The Haunted du son classique. Women, how many ways can I use women? Abuse them, verbal assault and then abuse them. They should be grateful, subservient and still be grateful. You drive me to my concerts, I refuse to pay for trains. Complaining's out of order, I'm your only fucking aid. To be serviced or be bankrupt if I don't get my own way. Hey, I try for you, my baby. Like a L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 124e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de commencer cette émission avec Mr. Superlover de Tanka, Love Me de The Slaker, Driven de Rush, on a écouté Storm Now, ensuite le nouveau Seymo. Allez sur la page Facebook et YouTube de Seymo, c'est vraiment excellent. Et on a fini avec un gros lourd qui arrache, A Trigger Full of Promises Live de Walls of Jericho. Ah, moi je les adore, Walls of Jericho, ça arrache le bitume. On continuera cette émission avec Summertime Boy de Stissick Steve. C'est sur l'album Sonic Soul Surfer, c'est sorti le 23 mars 2015. On retrouve Bring It On, et Dog Gonna Play, et Right On Time. On écoutera ensuite La Fête de Trop, le nouveau Eddie De Preto. Je l'ai découvert au Printemps de Bourges, il était en première partie de Charlotte Gainsbourg. Donc l'album s'appelle Cure et c'est sorti le 2 mars 2018. On retrouve Normal, La Fête de Trop et Kid. Allez sur la page Facebook, il y a toutes les infos. On continuera avec Take It or Leave It de Teacup Monster. C'est aussi le titre de leur premier album sorti le 19 mars 2018. On retrouve Take It, How Long et Souvenir. Allez sur la page Facebook et YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes digitales numériques pour écouter Teacup Monster. On écoutera ensuite du son québécois Dans Mes Bagages. C'est du nouveau aussi, c'est de la Route Saint-Louis. C'est sur l'album Punk de Chalet, sorti le 20 février 2017. On retrouve Au jour le jour, L'idéal que j'ai bercé et La vie passe trop vite. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Our House de Madness. C'est sur l'album Madstock, sorti le 2 novembre 1992. On retrouve One Step Beyond, Embarrassment et Baggy Trousers, notamment un classique du ska. I need the sunlight.

Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Everything was true, but we were such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played Super West Airway. They would say nothing would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best, mother says she needs to rest, the kids are playing up downstairs, sister's sad in her seat, brother's got to date to be coming around. Vous êtes toujours dans 124e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Summertime Boy de C6 Steve, La Fête de Trop, le nouveau Edith de Preto, Take It, le nouveau Teacup Monster, Dans mes bagages, le nouveau La Route Saint-Louis. Allez sur les pages Facebook et Bandcamp de Edith de Preto, Teacup Monster et La Route Saint-Louis, et ils sont sur toutes les plateformes numériques. Et on a fini ce bloc avec Our House en live de Madness. On continuera cette émission avec une nouveauté, Station Nation, c'est le nouveau Nina et les fils de, c'est sur leur EP, premier EP, 6 titres, sorti le 3 avril 2017. On retrouve We Are Legion, Station Nation, Blanche-Neige, Tant pis, Péter les plombs et On se méfie. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera ensuite avec Rock On de Gregory Isaac, c'est sur l'album No Luck sorti en 1992. On retrouve No Luck, Meet Me at the Same Spot, Make a Track et Don't Believe Him du classique. On continuera avec une nouveauté, Je veux tes yeux, le nouveau Angèle. Je l'ai aussi découverte au printemps d'Ourges en première partie de Charlotte. Il y a un album en préparation, elle n'est pas bien connue chez nous, elle est plutôt connue en Belgique puisque c'est la fille du chanteur Marca et la sœur de Elvis Romeo, Romeo Elvis, je ne sais plus comment c'est. Des nouvelles très vite, allez sur la page Facebook et on la retrouve pour l'instant que sur YouTube. On continuera ensuite avec Call Me de Blondie, c'est sur l'album American Gigolo, du moins la bande originale du film American Gigolo sorti en 1980. Au départ, ce titre de Giorgio Moroder avait été proposé à Stevie Nicks de Fleetwood Mac qui a refusé. Et du coup, le producteur s'est alors tourné vers Debbie Harry et quel succès du son culte. Et on finira ce bloc en live avec Burning For You de Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Fire From Unknown Origin sorti en juillet 1981. On retrouve Veteran of the Psychic War, After Dark et Don't Turn Your Rock du son d'anthologie. La folie ordinaire aux orties, la personnalité enfouie sous une tonne de phobie. La peur s'est insinuée comme par magie, quelque part dans nos vies, entre la révolution et l'ennui. J'en dis la femme qui répond au type qui la traite de cinglée. Si j'ai envie de parler à la station Nation, je parle à la station, je parle à la station, je parle à la station Nation, d'accord. J'en dis la femme qui répond au type qui la traite de cinglée. Si j'ai envie de parler à la station Nation, je parle à la station, je parle à la station, je parle à la station Nation, d'accord. Penser, mais seulement à voix basse ou seul dans son lit, au risque d'être banni. Trop grande gueule, trop féminine, trop féministe, trop poilue, trop grossière. J'en dis la femme qui répond au dit qui la traite de cinglée. Si j'ai envie de parler à la station Nation, je parle à la station, je parle à la station, je parle à la station Nation, d'accord. J'en dis la femme qui répond au dit qui la traite de cinglée. Si j'ai envie de parler à la station Nation, je parle à la station, je parle à la station, je parle à la station Nation, d'accord. Quand je

Vous êtes toujours dans la 124e Vampire Freak, si c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Station Nation, le nouveau Nina et les fils de. Allez sur la page Facebook de Nina et les fils de. On a eu ensuite Rock On de Grégory Isaac. On a eu Je veux tes yeux, le nouveau Angèle. Le grand classique ensuite Call Me de Blondie. Et on a fini ce bloc en live avec Burning For You de Bluehurst Occult. On continuera cette émission avec I Wonder Why, le nouveau Devil Joe and the Backdoor Man. C'est sur l'album Press Rewind sorti en avril 2018. On retrouve Mystery Love, LA Boogie et Yellow Bullshit. Ils sont distribués par Kebra Records, mais leur label Greenpeace est à côté du Puy d'Anvelay. Je ne le savais pas et je ne connaissais même pas Greenpeace et ni Devil Joe. On continuera avec une autre nouveauté, Mary Jane, le nouveau de Daken. C'est sur l'album de Daken, sorti en 2018. On retrouve Break the Code, What I Want et Video Gone. Ils sont sur Facebook, YouTube et SoundCloud. Allez-y sur leur page. Pour les téléchargements, SoundCloud, ça va très bien aussi. On aura ensuite Mickey, le nouveau Sandy Trash, featuring Marcel Van Tilt. C'est sur l'album Le French Peep Show, qui est sorti en mars 2018. On retrouve Tissu Venin, Chic Def et Foxy Disco Crash. Ils sont sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté, le fils des naturistes, je dirais même une exclue de Fast and Furious. C'est sur l'album 10 ans plus tard qui sortira le 7 juin prochain. On retrouve le Non Pas Ce Soir, Poisson d'Avril en duo avec les Crétins des Alpes et une reprise, entre autres, une reprise de Daniela de Delmer Footbeat et plein d'autres titres. J'ai vu qu'il y avait Happy aussi de Pharrell Williams. Enfin, on les retrouve sur la page Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec les temps modernes de Nemo. C'est sur l'album Immersion Publique sorti en 2006. On retrouve Prélude à la ruine, La dernière vague et Cluster 1984. Ils ne font plus rien, mais le guitariste-chanteur Jean-Pierre Louveton a d'autres projets sous le nom de JPL. Je récupère du son et je vous diffuserai rapidement. the shining by a blinding light. I lost my mind. I lost the southern times. I lost my mind. I love the game I play. I wish you could be mine. silence en flingue. Blood movie, dance little madness. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Alors que je me baladais en cette journée de juillet, toute légère de rigueur, vu le temps qu'il faisait tout à l'heure. Tu avais l'air disappointé. Tu peux pas dire que j'étais à poil comme mes parents, Aline et Michel. Et ça m'a rendu triste, ton dégoût pour les nudistes. J'étais blond, j'ai chanté ce refrain furibond. Je suis un fils de naturiste et j'en suis fier. Je suis tombé nu quand t'as dit ma tenue. C'est vraiment vulgaire. J'avais un slip, un vieux calcif, un cache-misère. Si seulement j'avais su ta phobie des culus, je t'aurais montré mon univers. C'est pas le genre de truc à faire. Non, non, non, non. Pour plaire à sa colocataire. C'est une histoire sans que ni tête. Partie d'un détail vraiment bête. Ce matin-là, j'ai eu la couille. On peut dire que c'est parti en couille. Tu as crié. Rester sur le cul, ça m'a rendu triste. Ton égout pour les nudistes. J'étais un gars, j'ai dit cette phrase abominable. Je suis un fils de naturiste et j'en suis fier. Je suis tombé des nues quand ta lutte m'a tenu. Était vraiment vulgaire. tu ta phobie des culs. J'aurais planté mon postérieur. Les temps modernes sont arrivés. Électricité, efficacité, nos mains usées ne vont plus saigner que pour défricher les voies du progrès. Social, progrès vital, la route est tracée vers notre idéal. La formule simple pour un bonheur total, la machine est lancée et son mémoire. Principal, les livres d'école, l'avenir nous promet des années folles. Du froid. Thank you. aurais aimé cette histoire si la guerre nous laissait un espoir. Vous êtes toujours dans la 124e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter I Wonder Why, le nouveau Devil Joe and the Backdoor Man, Mary Jane, le nouveau de Dawkins. On a eu Mickey, le nouveau Sandy Trash et Marcel Van Hilt. On a eu ensuite une exclusivité, le Fils des Naturistes de Fast and Furious. Et on a fini ce bloc en live avec les Temps Modernes de Nemo. On continuera cette émission. Oui, j'ai pas été généreux en reggae là, cette semaine. On commencera ce dernier bloc puisque avec Tonton d'America de Tikenja Fakoli, c'est sur l'album Live 2008. On retrouve le balayeur, l'Africain à Paris, Plus rien ne m'étonne, enfin tous les classiques de Tikenja Fakoli. Il est actuellement en tournée à travers l'Afrique. J'ai vu ça sur Facebook il y a pas longtemps. On continuera ensuite avec La Peste et le Choléra de Tagada Jones. C'est aussi le titre de leur 9e album sorti le 3 mars 2017. On retrouve La Peste et le Choléra, Morocon, Pas de Futur. Allez sur la page Facebook et du Bandcamp de Tagada Jones, ils sont aussi sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Old Time Man, Friends, de The Congos. C'est sur l'album Back in Black Ark, sorti le 22 mars 2010. On retrouve Chain Gang, Garden of Life et Music School. On écoutera ensuite Playful Fit Get Wise de Johnny Clark. C'est un 45 tours sorti en 1979. On retrouve Playful Fit Get Wise en face A, la première version est par Johnny Clark. La deuxième, c'est par Jazz Stitch. Et sur la face B, il y a Satisfaction. La première réinterprétation, c'est Johnny Clark et la deuxième c'est Just Stitch. Et on finira ce bloc en live avec I Fought the Law des Clash. C'est sur Live at the Shea Stadium, sorti le 6 octobre 2008 mais enregistré le 13 octobre 82. On retrouve tous les classiques des Clash. Distribution de Dakar à Lomé, c'était du real long grain américain.

Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. S'écouter Tonton d'América en live de Tikenja Fakoli, La peste et le choléra de Tagada Jones, Old Time Friends de The Congo, Playful et Get Wise de Johnny Clark, et on a fini ce bloc en live avec I Fought the Law des Clash. Cette 124e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Si vous êtes un groupe qui vous, si vous souhaitez être diffusé, pareil, laissez-moi un message sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Vous pouvez retrouver les autres émissions sur le site archive.org. On finira cette émission avec L'Enfer est intime, le nouveau WD40. Alors on les connaît pas, ils sont québécois aussi. sortie. C'est sur l'album La Nuit Après le Déluge, sorti en mars 2018. On retrouve La Mer des Tourments, De Passage, ton corps qui brûle. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. Merci aux camarades Bière de me les avoir fait connaître, fait découvrir par YouTube exactement. On se retrouve à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! Plus rien ne nous anime.